J'ai rangé mon enfance bien au chaud pour en préserver la prose que les adultes métamorphosent. Je cultive l'insouciance, gardant cependant ma conscience. Je ne suis pas, je m'en foutiste, et prêche volontiers l'optimisme. J'ai logé mes songes tout là-haut, dans la fabrique des possibles. Un autre monde se dessine, je lève la tête vers l'océan. Fais quelques brasses dans le ciel bleu, un exercice pour passer le temps. Les jours où tout est ennuyeux, où tout est ennuyeux. La vie à pleines dents, cette existence qui me porte comme volent au vent les feuilles mortes. Je m'enivre jusqu'au vertige des nombreux instants que je fige. Un livre entier de souvenirs, de clins d'œil et de rires. J'ai glissé ce rictus, ce sourire qui te va si bien dans mes yeux, sous mes paupières, dans mes mirettes. Je le ressors lorsque la vie me tord le cou, me fait la tête. Les jours d'orage où le ciel crie, je le déploie en parapluie. Je semé la vie dans ton ventre, quelques graines de bonheur juste en dessous ton petit cœur. En jardinier attentionné, j'observe grandir cette jolie fleur qui pousse en plein milieu de toi. Nous l'accueillerons dans quelques mois. Dans les vieux jours, je ne méprise pas la faucheuse, cette vie d'amant noir qui nous creuse. Mais dites-lui de prendre le temps de me laisser vivre, de me laisser vivre lentement, lentement, lentement. Pour ne pas être dépourvu lorsque le grand âge sera venu. Les reliefs iront de mes doigts au coin de mes yeux petits vieux. Et puis un jour je partirai de cette vie me reposer.